بسم الله الرحمن الرحيم. هتقول اليوم في الدرس الرابع وثلاثين بعد المية 134e leçon. Et la dernière fois, nous avons fini le livre du ilm dans ce kitab de Adam, du comportement. Aujourd'hui, on rentre dans un nouveau chapitre qui est celui de Amal al-Muslim fil yom wa layla, les œuvres du muslim de jour et de nuit, ce qu'il a à faire dans son quotidien, ce qu'il doit faire dans son quotidien. Et certaines choses ont été citées auparavant dans les abwab de la salawat ou de la purification. Donc on les passera brièvement. Et on se concentrera, inch'Allah, sur l'essentiel. Quand la fille Soel, Tis'in ou Mia Bad Elf, 1190e question. Maza Yakoulou Indel Stiekaz Minen Noum. Que doit-il dire le musulman lorsqu'il se lève de son sommeil? Il dit, comme dans le hadith de Hudayfa, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا. Donc déjà avant de dormir, il dit par ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. Qu'il dit louange à Allah, celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, car le sommeil c'est la petite mort, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Et le hadith est muttafaq alayh. Donc ça c'est un dua à faire avant de dormir et celui qui a à faire en se réveillant. ثم قال في سؤال 91 و100 بعد 1000 1191e question. ماذا يعمل بعد الاستيقاظ? Qu'est-ce qu'il fait après s'être réveillé? قال donc il fait les œuvres suivantes. أولاً السواك. Comme dans le hadith de Hudayfa, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Lorsqu'il se levait le Nabi صلى الله عليه وسلم, il se frottait la bouche avec son siwak. Muttafaqun alayh. Que si jamais il veut faire l'eau, il n'entre pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé trois fois. Ça on l'avait pris auparavant. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il istayqaza ahadukum min nawmihi, fala yarmis yadahu fil ina hatta yasilaha thalathan, fa innahu la yadri ayna badat yadahu. Celui qui veut, il s'agit quoi de la main droite, car c'est celle-ci qu'on lave en premier lorsqu'on fait l'eau. Que lorsqu'on entre vous se réveille, d'accord, et ça c'est pour le sommeil de nuit, car il dit où est-ce que sa main passait la nuit, comme à la fin du hadith. Donc qu'il ne rentre pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé trois fois, car il ne sait pas où est-ce que sa main a passé la nuit. Motavon Ali. D'accord, il ne sait pas ce qu'il a fait avec sa main, où sa main elle a été pendant qu'il dormait. Donc il la lave trois fois avant de la mettre dans le récipient. Après également, lorsqu'il fait l'eau d'eau, il fait le snicher, c'est-à-dire qu'il inspire l'eau et la ressort par son nez. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était comme ça, ahadukum min manamihi fayatawadda falastansir thalathan fa inna shaytan yabitu wa la khayshumi. Si l'entre vous se réveille après son sommeil de nuit, ou plutôt qu'il se réveille, n'am, qu'il fasse l'eau d'eau et qu'il inspire et ressorte l'eau de par son nez, par ses narines, trois fois. C'est-à-dire lorsqu'il fait l'eau d'eau. À la base, cela fait partie de l'eau d'eau de le faire. C'est parmi les semaines de l'eau d'eau. Mais à ce moment-là, c'est obligatoire, au réveil. Car Shaitan a passé la nuit dans son nez, dans ses cavités nasales. Mutafaqun alayh. Et qu'est-ce qu'il fait? Yusalli. Et là, sûrement qu'il fait allusion à deux rakat, mesalen, Qiyam al-Layl, ou deux rakat du Fajr, ou les Zalika. Là, il parle d'une salat qui n'est pas obligatoire. Qala an Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala yaq'udu Shaitan ala Kofayhi ras ahadikum, que Shaitan passe la nuit sur l'un des côtés de la nuque chez l'entre vous. Iza wa naim thalatha uqadin yadrubu kul uqdatin alayka laylun tawilun. Et qu'il fait trois nœuds, d'accord, trois nœuds qui serrent fort et qu'il dit tu as une longue nuit devant toi. Il dit ça au serviteur. Farkud fainistaykaza fazakallah. Donc si jamais. Donc là, il s'endort, le serviteur, et s'il se réveille, d'accord, et qu'il se rappelle d'Allah, il évoque Allah lors de son réveil, in hallat ugdatun, que l'un de ses nœuds se défait. Donc déjà, le rappel d'Allah azawajin est une cause, d'accord, d'éveil. Fa in tawadda in hallat ugdatun ukhra. Et que si jamais il fait l'eau, après avoir fait le zikr d'Allah, un autre nœud se défait. Donc là, il trouve au fur et à mesure du nashat, de l'activité. فإن صلى انحلت عقدة. Et si il a mis fait salat, le troisième nœud se défait. فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Donc à ce moment-là, il se réveille en étant en forme, alhamdoulilah, de bonne humeur. Sans quoi, il se réveillera en étant de mauvaise humeur et fainéant. Lourd. Et ça, on l'a constaté. Apporté par le Bukhari et le Muslim. قال في سؤال التاسع والثاني والتسعين ومية بعد ألف 1192 question. هل السواك فضل؟ Est-ce que le siwak a un mérite? نعم. كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال السواك مطهر للفم مرضاة للرب. Que le siwak est une purification de la bouche et un agrément du Seigneur. Rapporté par Ahmed. Donc le siwak a un mérite. Que ce soit sanitaire ou religieux, dans les deux cas. Et même pour les autres, car il fait partir, bismillah, les mauvaises odeurs. La mauvaise haleine qu'on peut avoir le matin au réveil, d'accord, le siwak la fait partir. Un siwak bien frais. Quand la fissoua la salis wa tisrin, wa miya bad elf. 1193e question. Maza yakoul inda bidayat al wudu. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il débute? Lorsqu'il fait l'eau au début, il y a quoi le bismillah? Il dit bismillah, c'est moustahab, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Et le dalil, c'est le hadith de Anas, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa wada yadahu fil ma, wa yakul tawadda bismillah. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens, faites l'ouzo au nom d'Allah. Tawadda'u bismillah. Rawahu an-Nasa'i. Donc cette basmala, quand même, il y a khilaf par rapport à ce jugement. Mais le fait de faire la basmala en début de toute action, à la base, c'est quelque chose qui est recommandé. Naam. Thumma qala fi sual arabiya wa tis'in wa miyat bar alf. 1194e question. Est-ce qu'il y a des invocations à faire particulières lors de l'ouzo? On dit qu'il n'y a rien d'authentique provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique cela. Par contre, dans la question qui vient maintenant, 1195e question, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il a fini de faire l'ouzo? Qu'est-ce qu'il dit? Quand il y a qu'il faire l'ouzo, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما في الحديث de Omar ibn al-Khattab. D'accord? Que si l'un d'entre vous fait l'eau et qu'il le fait bien et qu'il dit cela, قال فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. Que si l'un fait cela, il a shahada, comme précédemment cité, que les huit portes du paradis lui seront ouvertes et qu'il entrera par celle qu'il veut. ثم قال في السؤال السادس وتسعين ومية بعد ألف 1096 question. ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ Quel est le meilleur temps pour faire la salat du witr? Qui est à la base une salat qui est d'un nombre impair. Elle peut être de 1 rakat, de 3 rakat, de 5, et la sunna c'est de s'arrêter à 11. D'accord? 11. Donc le meilleur moment c'est en fin de nuit. Comme dans le hadith de Jabir, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن الصلاة آخر الليل مشهود وذلك أفضل. Que celui qui craint de ne pas pouvoir se lever en fin de nuit alors qu'il le fasse en début de nuit, le witr. C'est-à-dire dès qu'il a fait l'Isha, il peut faire le witr. ومن, et après celui qui souhaite le faire en fin de nuit, qu'il le fasse, car la salate en fin de nuit aller sous témoignage des malaïka. Et cela est meilleur, rapporté par muslim. Et dans la question qui suit, il dit لِمَاذَا كَانَتْ صَلَتْ أَخِلَ اللَّيْلِ أَفْضَلْ. Pourquoi est-ce que celle de la nuit, la fin de nuit, elle est meilleure? Car c'est l'heure où Allah Azzawajal descend au ciel de la dunya. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة للسماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له وفاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. qu'il dit que Allah Azawajal, au dernier temps de la nuit, descend au sein de la dunya. Et il dit, qui donc m'invoque, que je lui réponde. Qui donc me demande, que je lui donne. Et qui donc me demande pardon, je lui pardonne. Mutafakun alayhi. Donc ça c'est parmi les sifat d'Allah, le nuzul, qu'il descend. D'accord? Qu'il descend. Maintenant le kifia, le comment, on ne le connaît pas. Mais c'est un attribut qu'on lui confirme, car les textes sont venus pour le confirmer. D'accord? Et sa descente n'est pas comme la nôtre. Sa descente n'est pas comme la nôtre. Wa'akada. ثم قال في السؤال التاسع وتسعين ومئة وألف وبعض ألف 1199 question ماذا يقول بعد صلاة من الوتر؟ Maintenant qu'est-ce qu'il dit après avoir fait le salam du witr à la fin de la salle du witr? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Subhana Subhana al-Malik al-Quddus trois fois. Subhana al-Malik al-Quddus comme dans le hadith de Abdurrahman ibn Abza que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il disait بعد ما سلم يسلم سيدنا عبد الله وتر قلت لا في السلام لا في التسليم je veux dire il a passé le salam il dit سبحانه ملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته d'une voix élevée طيب il lève sa voix quand il le fait et ça c'est rapporté par Nasa'i donc comme on expliquait ce witr est à la portée de tous. D'ailleurs, l'imam Ahmed n'acceptait pas le témoignage de ceux qui faisaient pas salatu witr. Il disait que c'était un homme de mal, rajul sou. Pourquoi? Car il voit que le minimum à faire, c'est ne serait-ce qu'une rakat. Qui n'est pas en mesure de faire ne serait-ce qu'une rakat avant de dormir? Tout le monde est en mesure de le faire en général. C'est pour cela que l'imam Ahmed était très sévère par rapport à cela. Mais qu'en réalité, le jugement du witr, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Donc il n'y a pas de péché pour celui qui n'a pas fait. Mais il perd un grand bien. Un grand bien lui échappe. Nasallallahu yafu an taksirina. Car Allah nous pardonne nos manquements et nos moments de faiblesse. Fabien Connactafi, ou Alhamdulillah Rabbil Alameen.